La Grive par André Theuriet. Il y aura 5 ans, la Notre-Dame de Septembre, je descendais un chemin creux qui va de la Briantée à Saint-Jouan. Une de ces sentes bretonnes assez larges, très herbeuses, dont les talus se relèvent comme deux murs verdoyants et sont plantés de châtaigniers ou de chênes têtards. Les rouilles ont creusé les ornières où l'eau séjourne longtemps et dans l'humidité desquelles s'épanouissent les fleurs roses de la petite centaurée. Il pouvait être 8 heures du matin, et dans la fraîcheur embaumée de l'automne commençante, j'entendais au loin les cloches des paroisses tinter pour la messe, tandis que dans les genévriers de la lande, des grives chantaient. En même temps, un air chargé de senteurs salines, m'arrivant par-dessus les talus, me disait que la mer était proche et me ravaillardissait. J'étais en train de franchir un échalier, quand des pas résonnèrent derrière moi, et je fus rejoint par un promeneur matineux qui paraissait âgé d'une 30aine d'années. Vêtu d'un complet de drap bleu, coiffé d'un feutre rond, il avait la mine d'un propriétaire campagnard fort à son aise. Même sa toilette, assez soignée, détonnait avec l'heure matinale, et ses traits tirés, ses yeux cernés, son nez en bec d'oiseau, pincé du bout, sa figure plombée sous le hâle, semblait indiquer qu'il avait passé une nuit blanche. N'étant pas très ferré sur la topographie locale, je profitais de la rencontre pour lui demander si je suivais bien le chemin de Saint-Jouan. « Parfaitement, » répondit-il, « je vais moi-même dans cette direction, et si vous le voulez, je vous y conduirai par le plus court, car je rentre chez moi et j'ai hâte de me coucher. » Il remarqua sans doute une expression de surprise dans mes yeux et il ajouta en souriant, « Cela vous étonne que j'aille me mettre au lit à l'heure où les autres en sortent. Mais quoi, j'ai passé ma nuit au casino de Saint-Malo. La partie de Baccarat était fort animée, et nous n'avons quitté le jeu qu'au petit jour. » Je le regardais plus attentivement. Il avait en effet le faciès d'un joueur. Ses yeux gris brillaient d'un éclat fiévreux qui contrastait avec l'impassibilité du reste de la figure. Comme nous nous remettions en marche, une grive commença de chanter. Sa chanson, aux notes graves alternées de gazouillements légers et de vocalises aiguës, fit dresser la tête à mon compagnon. « C'est la petite grive, » murmura-t-il, « un joli oiseau, monsieur. Elle se gargarise là-bas avec des baies de genièvre, et cela lui assouplit la voix. J'aime à entendre sa chanson dans la lande. C'est un fétiche, elle me porte chance. Si je l'avais entendue hier en me rendant au casino, j'aurais eu peut-être moins de déveine. Au lieu de cela, je reviens avec une culotte complète. Heureusement, j'ai de l'estomac, et je m'en rattraperai demain. » La grive continuait à lancer des fusées de notes rapides, et le joueur, debout sur le talus, s'était arrêté pour l'écouter. « Je la connais, celle-là, » soupira-t-il. « Elle a son nid sur les basses branches d'un chêne. Je l'ai surprise l'autre soir en train de couver, car chez les grives, monsieur, le mâle couve pour laisser reposer la femelle. C'est un bon père de famille. » Il poussa de nouveau un soupir comme un homme qui a la poitrine oppressée. « J'ai remarqué cette grive, » continua-t-il, à cause de ses yeux noirs et de la couleur orange de ses ailes. Ce sont les deux traits qui la distinguent du mauvis. Au moment où je me penchais sur le nid, elle s'est envolée. J'ai eu tort de la déranger. Cela ne m'a pas porté chance. Nous étions arrivés en face d'une profonde avenue de hêtres, à l'extrémité de laquelle on apercevait la grille d'un château Louis XIII. Voici la route qui descend à Saint-Jouan, reprit mon compagnon, et me voici chez moi. « Serviteur, monsieur. » Nous nous séparâmes, et je le vis s'enfoncer lentement sous la voûte encore obscure de la hêtraie. À Saint-Jouan, je questionnai l'aubergiste et j'appris que l'avenue des hêtres conduisait au château de la Crochet, appartenant à un certain monsieur de Trélivant. La semaine d'après, au casino, j'aperçus de nouveau le propriétaire de la Crochet. Il était assis à une table de baccarat et tenait la banque. Tout en donnant les cartes, il se mordait les lèvres et 2 petites gouttes de sueur perlaient à ses tempes. 1 quart d'heure après, il passa la main, ramassa une pile d'or et se leva. Il me reconnut à son tour et, s'approchant, « Ça marche, » murmura-t-il. « Je répare la brèche de l'autre nuit. Voyez-vous, le tout est d'avoir de l'estomac. Et puis, » ajouta-t-il à mi-voix, « j'ai entendu ce soir la grive dans la lande. Jamais sa chanson n'avait été si gaie. Joli oiseau, monsieur. » En l'écoutant, je me suis dit « La soirée sera bonne. » Et en effet, je ne suis pas mécontent. Je quittai Saint-Malo le lendemain. Je n'y suis revenu que cette année et l'autre jour, je me suis fait conduire en voiture à Dinan par la rive droite de la Rance. En route, l'un des boulons du brancard étant tombé, nous fûmes obligés de faire halte dans une descente. « Heureusement qu'il y a un maréchal Ferrand à Saint-Jouan, » s'écria le conducteur. « D'ici là, si c'est un effet de votre bonté, nous irons à pied. Nous n'en avons que pour 5 minutes. » Saint-Jouan réveilla vaguement en moi un vieux souvenir. Je reconnus le paysage aperçu autrefois à la sortie du chemin creux. L'avenue de Hêtre, les toits d'ardoise du château émergeant de la verdure luisante des châtaigniers, et la lande où, justement, les grives chantaient comme jadis. À gauche de la route, dans un renfoncement, je remarquai une croix de granit dressée sur un tertre, au-dessus duquel des érables éparpillaient déjà leurs feuilles à retroussis blancs. « Il y a quelqu'un d'enterré ici ?» demandai-je au conducteur. « Oui, le propriétaire de la Crochet, ce château à main droite, un monsieur de Trélivant. » « Trélivant. » Le nom acheva de me remémorer le passé. Je revis mon compagnon de route, grand, robuste, l'œil enfiévré, le nez au vent, s'arrêtant sur la lande pour écouter le chant de la grive. « Il s'est brûlé la cervelle ici même, monsieur, » continua le cocher. « Il jouait, voyez-vous. Il venait de perdre une grosse somme au casino, et il avait femme et enfant. Un matin, en rentrant, il s'est assis là, en face de son âme nue, et, paf, une balle dans la tête. Quel dommage, un homme superbe. Et si gai, quand il avait la veine. Des fois, quand je le conduisais à Saint-Malo, il me faisait arrêter en route pour écouter chanter la grive. Il prétendait que ça lui portait chance. Faut croire qu'elle n'avait pas chanté ce matin-là. Ainsi s'achève La Grive par André Theuriet.